Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. En seul grand titre, puisqu'il s'agit d'une édition spéciale que la rédaction a consacrée au redéploiement des enseignants Burundi. L'opération n'était pas mauvaise en soi, nous diront certains enseignants et en spécialiste de l'éducation, mais son exécution a suscité des lamentations, vous les entendrez. Nous ferons le contour de cette question avec nos correspondants qui nous donneront des exemples parlants et nous aurons également l'analyse d'un professionnel de l'éducation et nous terminerons par le point de vue de la rédaction sur cette question. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et pour planter le décor, nous appelons d'abord notre correspondant Jean-Pierre Misago au sud du pays. Il nous rapporte qu'une enseignante de mathématiques au lycée Bururi en commune et province Bururi a été redéployée puis remplacée après plus d'un mois de service au cours de cette année scolaire. Nzoyi Ninahaza Lidwin accuse le directeur provincial de l'enseignement à Bururi d'être derrière son redéploiement, ce que celui-ci rejette en bloc. Jean-Pierre Misago. Après près d'un mois et demi qu'elle est prestée au lycée Bururi comme enseignant de mathématiques dans deux classes parallèles de la première année post-fondamentale dans le domaine des sciences et en huitième année fondamentale, soit 23 heures par semaine, Lidwine Ndoyininahaza a été redéployée à 12 km au petit séminaire de Buta, où elle paie 4000 francs burundais par jour aller-retour pour y accéder ou faire la moitié du trajet journalier à pied pendant 3 heures. Cette mère de 3 enfants et d'une ancienneté de 13 ans au lycée Bururi dit que cette mesure est en contradiction avec celle qu'il avait rétabli publiquement dans ses droits le 31 août de cette année à Kiremba, dans la même commune, lors du redéploiement public, une réunion où le président de la Commission nationale de redéploiement avait décidé de sanctionner son directeur, l'accusant d'avoir attribué illégalement une fonction supplémentaire à cette enseignante. Cette décision a été même rendue publique par après. Mais cette femme formée à l'ENS section maths et physique et qui s'est vue remplacée par un ingénieur de l'Institut supérieur d'agriculture de Gitega qui était sur la liste des enseignants à redéployer en remplacement de sa femme, accuse le directeur provincial de l'enseignement de Bururi de téléguider son remplacement. Filimé Boutoumi, directeur provincial de l'enseignement de Bururi, dit qu'il n'a pas à commenter sur la décision de la Commission nationale de redéploiement des enseignants. S'agissant de son remplacement, le directeur provincial de l'enseignement à Bururi parle d'une gestion rationnelle du personnel enseignant par le directeur du lycée Bururi qui n'a pas exécuté le redéploiement lui décidé, ce que certains enseignants du CONAPES à Bururi interrogé appellent la politique de deux poids deux mesures. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago et certains enseignants redéployés plus d'une fois dans la province de Ruyigi se plaignent qu'ils sont privés du droit de regagner leur premier lieu d'affectation conformément à la note de service du ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. La direction provinciale de l'enseignement conseille à ses enseignants de saisir la commission nationale chargée du redéploiement pour liquider définitivement leurs questions. Jean-Claude Chimirimana. En se référant à la note de service signée le 26 octobre dernier par le ministre ayant en charge l'éducation, qui recommande aux enseignants redéployés de se conformer aux premières réaffectations faites par la commission chargée du redéploiement des enseignants, Anisebi Tumagu, ancien professeur au lycée Saint-Joseph de Lusengo, est revenu au lycée communal de Vuhiga en commune Bweru de la province Ruigi, où il avait été réaffecté par la dite commission selon la première affichage signée le 20 septembre 2017. Cet enseignant a dit qu'il a été bien accueilli à cet établissement et précise qu'il avait même repris ses cours qui n'étaient plus enseignés depuis son départ au mois d'octobre. Mais, hélas, après une semaine, il dit qu'on lui a interdit de poursuivre ses activités au dit établissement scolaire sur décision de la direction provinciale de l'enseignement qui le recommande de rester au lycée communal de Kavumwe en commune Gisuru où il a été réaffecté pour la suroposition de la direction provinciale selon cet enseignant. Celui-ci indique que la DPI Ruigi est en train d'appliquer un système système de deux poids, deux mesures et demande que la note de service du ministre soit uniformément appliquée pour tous les enseignants concernés. Bernard Gassigaye, directeur provincial de l'enseignement à Ruigi, n'en dit pas plus. Il conseille les enseignants lésés à saisir la commission nationale chargée du redéploiement pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits au cas où il y aurait eu injustice à leur égard. Vous saurez que les enseignants favorisés par la deuxième réaffectation souhaitent le maintien du statu quo, tandis que les non-favorisés réclament l'application stricte de la note de service du ministre ayant l'éducation dans ses attributions. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana. Ce redéploiement est bon en soi, mais s'il est bien mis en application, cela a été dit par certains enseignants qui se sont entretenus avec la rédaction Isanganiro. Il précise en outre que ce programme de redéploiement a séparé beaucoup de familles. Suivez ces enseignants. D'une part, c'était un mal nécessaire, surtout du côté de l'État, et parce qu'il y a des endroits, des régions, qui avaient un effectif d'enseignants très élevé, alors que d'autres, il y avait un manque. De ce côté, alors, il fallait vraiment essayer d'équilibrer. Mais de l'autre côté, quand même, surtout du côté des enseignants, on a été très perturbé par le redéploiement, parce que des fois, on séparait les mariés, séparait la personne avec sa famille, et en cela, alors, vous entendez qu'on a été très perturbés. La conception du programme, ce qui devait se faire même avant, c'était une façon de corriger. C'est qu'on a toujours assisté à une mauvaise gestion du personnel dans les différents services du ministère. Si c'était bien étudié, ça devrait être beaucoup payant. Ce que nous observons est non payant. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont contraints d'aller travailler dans les contrées ou dans d'autres provinces, alors que les moyens de subsistance n'ont pas été tenus compte. Le programme en soi n'est pas du tout mauvais. Mais le problème, c'est que la manière de mettre cela en application, c'est là où on a remarqué quelques problèmes. Par exemple, des enseignants qui ont été déplacés vers des endroits presque inaccessibles. Et pour eux, il a été très difficile d'y arriver et de travailler comme il faut parce qu'ils faisaient un très grand trajet. Et c'est difficile de dispenser un cours lorsque vous êtes fatigué. C'est vrai, le principe d'affecter, le principe de que tous les enfants du pays soient enseignés. Pour le principe, c'était vraiment un bon principe. Seulement, nous nous sommes rendus compte que cela ne s'est pas fait, voilà convenablement, je dois le dire ainsi, parce qu'en certain moment, nous croyons que celui qui avait 18 heures était quitte, qu'il était suffisamment occupé. Mais nous sommes retrouvés devant des situations où même on devait avoir plus de 20 heures par semaine, alors que le principe disait qu'il fallait avoir au moins 18 heures. Et puis pour ceux qui avaient plus de 10 heures, c'était prévu qu'ils allaient peut-être prester ailleurs pour compléter. Voilà, c'était le micro-baladeur de la rédaction auprès des enseignants. Après le travail de redéploiement dans la province de Bouanza, il manque encore 500 enseignants dans les écoles fondamentales et post-fondamentales de cette province. Et comme solution intermédiaire, les responsables scolaires ont opté pour l'enseignement par des enseignants bénévoles qui sont au nombre de 318 actuellement. Spes Caritas Kamanyana. Après le travail de redéploiement, environ 500 enseignants manquent encore dans les écoles fondamentales et post-fondamentales de cette province de Bouanza, selon les rapports disponibles à la direction provinciale de l'enseignement de cette province. Pour essayer de combler les classes sans enseignants, les responsables scolaires ont fini par embaucher les enseignants bénévoles qui sont au nombre de 318 actuellement dans toutes les directions communales de l'enseignement de Bouanza selon les responsables scolaires contactés. Cependant, pas mal de personnes déplorent la façon dont ils travaillent et demandent que l'État puisse engager les enseignants pour combler ces places vides. Le gouverneur de la province de Bouanza, Tarsis Niyongabo, qui est également le président du conseil provincial de l'enseignement, indique que les enseignants bénévoles ne peuvent pas dispenser un enseignement de qualité, étant donné qu'ils ne sont même pas régis par aucun règlement. Une femme rencontrée sur la colline Gako en commune Manda déplore le fait que le directeur exige d'énormes sommes d'argent pour payer ses bénévoles, ce qui pousse certains élèves qui ne parviennent pas à payer à abandonner l'école. Les choses se présentent donc ainsi, après le travail de redéploiement qui n'a pas pu résoudre ce problème de manque d'enseignants, selon les responsables scolaires. Spes Caritas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Merci Spes, et un des enseignants redéployés apprécie cette opération de redéploiement en soi, mais il déplore les conditions de vie tant pour sa famille habitant la capitale que la vie qu'il mène à son nouveau poste d'attache. Mireille Kanyangé s'est entretenue avec cet enseignant. L'aller, on paye autour de 7 000. Le retour, comme ça même. Là, tu n'as pas même pris une bouteille d'eau. Tu y arrives comme ça. Donnons-lui le surnom de Kariwabo. C'est un des enseignants qui exerçait au mairie de Bujumbura, mais parti ailleurs dans une autre province. Arrivé à son nouveau poste d'attache, c'est un casse-tête. Il est très difficile d'arriver à mon poste d'attache parce que avant, je quittais la maison à pied. J'arrivais au poste d'attache à pied. Et maintenant, je dois prendre un moyen de transport pour arriver à mon poste d'attache. C'est très difficile. L'aller, on paye autour de 7 000. Le retour, comme ça même. Là, tu n'as pas même pris une bouteille d'eau. Tu y arrives comme ça. Je prends un véhicule jusqu'à un endroit quelconque. Et après, il faut prendre une moto. Et quand il a plu, c'est très difficile. C'est tenté glissant. Les motards n'acceptent pas d'y aller. Cet enseignant dit être hanté par le loyer, la restauration, tant pour sa famille à Bujumbura qu'à son nouveau poste d'attache. Les petits moyens, le petit budget que nous avions doit être scindé en plusieurs morceaux. Donc, je laisse une ration quotidienne dans mon domicile. Je dois payer le loyer. Aussi, là où je vais, je paie le loyer et je dois m'en rationner. Ça, c'est très difficile. Si on vous éloigne, il n'y a pas d'indemnité d'éloignement. Et ça, c'est un problème. Kariwabo précise qu'il n'est pas contre la politique de redéploiement, mais plutôt, il estime qu'il devrait y avoir une équipe qui analyse l'impact tant pour l'élève, l'enseignant, que pour l'éducation en général au Burundi. Merci Mireille. Le président du syndicat CONAPES indique que techniquement le redéploiement des enseignants avait été bien préparé, mais que l'opération a changé au moment de son exécution. Emmanuel Machandari parle à titre d'exemple des enseignants qui ont été envoyés loin de leur domicile et qui ont des problèmes pour se déplacer, ce qui se répercute sur leur rendement. Suivez Emmanuel Machandari. La seule différence entre ce qui s'est fait aujourd'hui et ce qui s'était fait dans les années passées, le redéploiement se faisait sur la base des rapports qui étaient établis par les directeurs des écoles. Et des fois alors, nous avons constaté qu'il y a certains responsables scolaires qui avaient faussé le redéploiement. Et c'est pourquoi on a pensé à refaire cette activité, cette fois-ci, en présence des concernés. Techniquement, tel que le redéploiement était organisé, c'était bien fait. Seulement, le problème se passe au niveau des affectations. Ces dernières années, on a construit beaucoup d'écoles. Et des écoles, pour certaines, se trouvent dans des endroits inaccessibles. Là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pas de home, alors il y a certains enseignants qui avaient la volonté d'exécuter ce redéploiement, mais qui se sont retrouvés dans des conditions très difficiles d'accès parce qu'ils devaient parcourir de longues distances, avoir l'indemnité de déplacement que l'État du Burundi octroie aux fonctionnaires. Donner à quelqu'un 9 680 pour se déplacer tous les mois, alors qu'aujourd'hui, avec ce redéploiement, nous avons des gens qui font un trajet de 10 000 francs aller seulement. Et quelles sont les conséquences liées à ces problèmes déjà notés lors de ce redéploiement? Ces enseignants qui doivent parcourir de longues distances, ils vont arriver à l'école avec un grand retard, qui n'est pas imputable à l'enseignant, mais qui est imputable à ce problème de distance et de manque de moyens de déplacement. Il y a certaines heures qui ne seront pas prestées et les enfants qui devraient bénéficier des connaissances de la part de cet enseignant vont se retrouver avec une formation tronquée. Nous avons entendu que le ministère a lancé une menace à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore exécuté le déploiement. Plutôt, on leur demanderait de s'enquérir de la situation du terrain pour évaluer avant de prendre des mesures conséquentes. Voilà, c'était Emmanuel Machandari, président du syndicat CONAPES, au micro d'Alida Ndayikeza. Et le gouvernement burundais projette d'embaucher des enseignants pour combler le vide, là où le processus de redéploiement n'a pas pu affecter le personnel enseignant. La promesse est de Victor Ndabaniwe, président de la commission qui est chargée du redéploiement au sein du ministère de l'Éducation. Il indique cependant que ce processus a rencontré beaucoup de difficultés à surmonter au fur et à mesure. On l'écoute. Par rapport aux établissements scolaires qui n'ont pas pu avoir d'enseignants après ce processus de redéploiement, le ministère compte prioriser ces écoles via les prochains recrutements parce que vous savez, la loi budgétaire va bientôt être analysée par les deux chambres du Parlement. C'est là où le gouvernement va se positionner par rapport aux effectifs à recruter. Et il y a également des enseignants qui ne sont plus au service pour diverses raisons. Et ces enseignants, surtout ceux qui viennent de partir récemment vont prochainement être remplacés. Alors, pour opérer ce remplacement, pour opérer ce recrutement, ce sont ces écoles qui n'ont pas été touchées par le processus de déploiement, qui n'ont pas pu bénéficier de nouveaux enseignants, qui seront prioritaires. Si ce n'est pas dans ce credo polichinelle, le ministère compte embaucher combien d'enseignants? Dire les effectifs à le critère, c'est encore trop tôt, parce que vous savez, tout dépendra de la décision qui émanera des chambres du Parlement. Donc il y a le ministère des Finances qui doit statuer sur les besoins réels, qui doit statuer sur les moyens financiers disponibles pour la rémunération de ces enseignants. D'où il s'avère nécessaire qu'on attende les décisions qui pourront bientôt être dégagées, bien sûr après analyse de cette loi. Voilà, c'était Victor Ndabaniwe, président de la commission du redéploiement, qui sera notre invité vers la fin de ce journal. Il ne s'est pas prononcé sur les effectifs voulus, mais sachez que plus de 2400 enseignants et personnels administratifs, c'est le besoin exprimé par 6 provinces d'enseignement. Comme l'indiquent les rapports de la rentrée scolaire 2017-2018, la province scolaire de Rumonge vient en tête avec une demande de plus de 600 nouveaux enseignants au moment où sur 5 communes scolaires de cette province, la commune Wuyengero a à elle seule besoin de plus de 130 nouveaux recrues. Les détails dans ce reportage de Charles Makote. 2486 au total, tel est l'effectif des besoins en enseignants et personnel administratif exprimé par 6 directions provinciales de l'enseignement, à savoir Muyinga, Bururi, Ruyigi, Kayanza, Rumonge et Rutana. La province de Rumonge vient en tête avec 649 besoins en personnel, dont 306 enseignants. Dans cette province, la direction communale de l'enseignement en commune Wuyengero exprime à elle seule le besoin de 731 nouveaux éléments. Le rapport de la rentrée scolaire 2017-2018 en province scolaire de Kayanza montre que cette province a besoin de 371 nouveaux recrues, dont 221 enseignants. Le rapport de la rentrée en province de Rutana montre que cette province a besoin de 314 éléments, dont 207 enseignants. Dans le commentaire de la direction provinciale, elle indique que malgré le redéploiement, la direction provinciale de l'enseignement acquise un manque criant d'enseignants. Nous invitons les décideurs de nous doter des enseignants suffisants, peut-on lire dans ce rapport de la rentrée. Dans un rapport pareil, la province de Muyinga demande 242 nouvelles unités à recruter côté enseignants, de même pour le personnel administratif. La province de Bururi demande à son tour 264 enseignants, sur un total de 459 à recruter. Le directeur provincial de l'enseignement, dans son commentaire qui accompagne le tableau des besoins en personnel, dit que le recrutement s'avère indispensable. En province de Ruigi, le besoin est de 165 enseignants, sur 221 nouveaux éléments nécessaires pour le recrutement. Quant à la province de Chibitoke, le rapport ne dit rien sur les effectifs des besoins en personnel, bien que dans son commentaire, le directeur provincial dit qu'il existe des écoles qui ne disposent d'aucune unité et où on manque des enseignants suite à la création des nouvelles sections postes fondamentales. Selon ce rapport, certaines directions font recours aux bénévolats, aux volontaires et aux vacataires. Tous ces rapports de la rentrée scolaire 2017-2018 convergent sur un point zéro recrutement au moment où l'article 24 du budget général de l'État exercice 2017 indique, je cite, « Tous les recrutements sont gérés sauf le secteur de la défense, de la sécurité, de l'éducation, je dis bien de l'éducation, de la santé et de l'enseignement des métiers dans les limites du budget disponible. » Fin de citation. Charles Makoto, venons-en maintenant à l'analyse d'un spécialiste qui dit que le processus de redéploiement pose problème aux enseignants qui sont obligés d'aller travailler loin de leur famille et des pertes s'observent en termes de temps scolaire. C'est le psychopédagogue Joseph Ndaï Saba qui le dit, en indiquant que bien qu'il n'y a pas encore eu d'études pour évaluer le processus, certaines mesures de correction s'imposent. Parmi les pistes de solution, le professeur Ndaï Saba propose que des logements des enseignants soient construits près des écoles pour alléger les souffrances que connaissent certains d'entre eux pour se rendre au lieu de travail. Suivez-le. C'est un exercice qu'on doit faire pour essayer de créer l'équité au niveau de la distribution des ressources que le gouvernement met à la disposition du système. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais ministre en 97 et 98. entre 70 et 80 enseignants ont démissionné. Le problème se pose plutôt dans le comment on le fait. Vous avez effectivement des situations dont les enseignants se plaignent, des enseignants dont on a changé de province, des enseignants qui parcourent, je ne sais pas moi, 15 km à pied pour rejoindre l'école. Ça pose des problèmes à deux niveaux. D'abord, des problèmes au niveau de la famille, parce que ça oblige les familles, bien sûr, à avoir deux logements, avoir deux rations. Ça pose aussi des problèmes au niveau de l'encadrement des enfants, bien entendu. Il y a aussi un deuxième niveau, c'est au niveau du temps scolaire. Parce que ces situations nouvelles dans lesquelles on met les enseignants provoquent des retards, provoquent des absences avec cet éloignement. Quand il pleut, il y a des enseignants qui s'absentent, qui arrivent à 10h au lieu de 7h30 du matin, ou bien qui sont obligés de s'absenter une ou deux jours pour aller percevoir leur salaire parce que la poste se trouve à 30 km du lieu où ils enseignent. Ça occasionne certainement des pertes de temps scolaire qu'on ne sait pas malheureusement encore évaluer. Parce que, par exemple, en saison des pluies, il y a certainement beaucoup de retard, mais même beaucoup d'absence. Il y a un bilan qui devra être fait, bien entendu, j'imagine, à la fin du processus. Il y aura, j'imagine aussi, des mesures de correction, parce qu'il y a probablement des enseignants qu'on a redéployés trop loin, sans que ce soit nécessaire. Et puis, il y a une politique, quand même, qui doit être implémenté assez rapidement. C'est notamment au niveau de la dissémination dans toutes les provinces des écoles de formation des enseignants. Pour qu'au moins les élèves qui fréquentent ces écoles soient ressortissants de ces provinces. Il y a des demandes qui sont récurrentes. Beaucoup de gens l'ont demandé depuis très longtemps. C'est une recommandation aussi des états généraux de l'éducation. Ils sont déroulés en décembre 2014. Qu'à chaque fois qu'on construit une école, qu'on construise un logement pour les enseignants. Ce n'est pas nécessaire de construire des chambres pour tous les enseignants qui sont là. Mais au moins pour les enseignants qui sont obligés de loger parce qu'ils viennent de trop loin. Ces travaux communautaires dans lesquels on construit les écoles. Qu'on fasse un effort, qu'on construise aussi un logement pour les enseignants. À la source, interview. Je l'avais annoncé, l'invité du journal, c'est Victor Ndabaniwe, président de la commission chargée du redéploiement. Il répond aux questions d'Évariste Nzikobanyanga. Victor Ndabaniwe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission chargée du redéploiement au sein du ministère de l'Éducation. Où est-ce que vous en êtes avec le processus? Le processus est déjà clôturé. Il y a les enseignants identifiés comme enseignants en position de prétor qui ont été bougés vers là où le besoin se faisait sentir. Ils ont été réaffecté dans le strict respect des principes préétablis. Pour vous dire que à l'heure actuelle, les enseignants qui avaient présenté des recours auprès de la commission comme quoi ils avaient subi l'injustice, certains d'entre eux ont été rétablis dans leurs droits, notamment ceux qui avaient des réclamations fondées qui s'inspiraient aux critères utilisés lors du déploiement. Mais par contre, il y a d'autres enseignants qui avaient avancé comme motif les cas sociaux, notamment les cas de maladie, les cas de problèmes familiaux, les cas des couples séparés. Tout ça n'ont pas été pris en compte. Il y a les gens qui s'indignent comme quoi ils ont été redéployés, surtout ceux des centres-villes, surtout ceux de la capitale Bujumbura, qui ont été redéployés dans les montagnes qui surplombent la capitale. Et ils disent qu'ils font de longs trajets, qu'ils dépensent beaucoup. Je dirais que ces indignations n'ont pas de fondement, dans la mesure où le travail de redéploiement a été opéré dans la transparence, publiquement, à l'équité. Il y a eu des critères objectifs à l'été dès le départ, des critères consensuels. Comme vous le savez, les écoles urbaines avaient une pléthore d'enseignants, jusqu'à ce qu'on pouvait même trouver 4 enseignants, voire même 5 ou 3, affectés pour un groupe pédagogique, ce qui était incompréhensible à voir le contexte économique que le Burundi traverse. Il a fallu donc qu'il y ait une gestion rationnelle des ressources humaines mises à notre disposition. Les doléances liées au retrajet, liées à la fatigue, ne peuvent pas être reçues favorablement au niveau de la commission. Mais plutôt, il faut qu'il fasse un effort pour chercher un logement tout près du lieu d'affectation, ce qui permettrait d'accomplir convenablement les missions. Certaines informations ont stipulé que ce processus a été gangréné par des corruptions. Il n'y a pas de preuve jusqu'à présent. Certains enseignants se lamentent comme quoi il y a les camarades qui ont donné des corruptions pour regagner les anciennes affectations. La commission a été au courant de cette mauvaise pratique, spécialement dans la DPI Gitega. C'est là où on a entendu plusieurs réclamations. C'est là où la commission a constaté des retours massifs des enseignants qui étaient redéployés vers Bugendana, mais qui, après un mois, se sont retrouvés retournés dans la ville de Gitega. Après enquête, il a failli que la commission procède à un nouveau redéploiement, ce qui a fait que plus de 70 enseignants qui venaient d'être retournés dans la ville de Gitega soient contraints de regagner leur ancienne affectation vers Bugendana, Mutaho et Burazan. Et je tiens à signaler que la commission locale complice dans cette activité a été toute sanctionnée. Dire qu'il y a eu de corruption, il faut une instance habilitée. Il faut l'organe judiciaire qui est compétent pour mener des enquêtes en vue de dégager les vrais corrupteurs, ce qui va donc exiger des sanctions administratives et des sanctions pénales. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas encore temps de conclure qu'il y a une énorme corruption, d'autant plus que les enquêtes en cours n'ont pas encore prouvé, n'ont pas encore donné des résultats fiables. Victor Ndabaniwe, je vous remercie. Merci. Victor Ndabaniwe, c'est le président de la commission chargée du redéploiement des enseignants à travers tout le pays. Il répondait aux questions d'Evariste Nziko Banyanga. Je vous l'avais dit, on termine ce journal par le point de vue de la rédaction sur cette question de redéploiement des enseignants qui, je l'avais dit, l'opération n'était pas mauvaise en soi, comme l'ont dit certains enseignants et spécialistes, mais son exécution a suscité des lamentations. Voici le commentaire de la rédaction lu par Joseph Sabiyabandi. Depuis l'année 2010 et à chaque début de l'année scolaire, des enseignants changent de lieu de travail à travers l'exécution d'une opération dite de redéploiement pour que les écoles accusant d'un déficit en personnel enseignant puissent en avoir. Cette opération du ministère de l'Éducation est en soi salutaire. Cependant, les lamentations ne manquaient pas. Ici, ce sont des enseignants qui se plaignent d'avoir été mutés loin de leur famille. Là-bas, d'autres aussitôt redéployés affirment avoir été remplacés par des nouveaux. Ailleurs, ils affirment n'avoir pas pu trouver de logement. D'autres encore disent payer doublement le loyer. Ces inquiétudes sont de nature diverse, mais les difficultés ne sont pas ressenties de la même manière. Ceux qui se plaignent le plus sont ceux qui partent d'une province à une autre ou d'une commune à une autre parce qu'ils doivent payer cher le transport pour se rendre à leur poste d'attache, ruinant ainsi leur maigre économie. L'une des conséquences constatées, c'est une démotivation de certains enseignants, un manque d'engouement qui se répercute sur la qualité de leurs prestations et celle des compétences que doivent acquérir les apprenants. Les parents et les élèves déplorent de voir un trimestre, deux, même toute une année scolaire se terminer sans que certains matières ne soient vues à cause du manque d'enseignants. Néanmoins, il faut reconnaître le bien fondé de ce processus. La carence en enseignants dans certaines écoles du pays se résout progressivement, les nouveaux enseignants se familiarisant petit à petit aux nouvelles conditions de travail. Le constat est que, malgré la politique de redéploiement, toutes les écoles ne sont pas aujourd'hui nanties en personnel enseignant. Ici, on se pose la question de savoir quand la solution à ce problème, puisque l'année scolaire continue son cours. Ne faudrait-il pas penser à exploiter les compétences des enseignants diplômés en quête d'emploi sans doute disponibles sur le marché et ainsi diminuer la malaise de certains personnels redéployés? En tout état de cause, un constat est à dégager au regard de cette situation. L'opération de redéploiement a besoin d'être accompagnée par d'autres mesures pour la qualité de l'enseignement tant recherché. Merci Joseph Nsabiyabandi. C'est sur ce commentaire de la rédaction sur la question de redéploiement des enseignants que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Jean de Dieu Ndaï Senga pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer un bon après-midi à l'écoute de nos programmes.